écoutez bien le 89.5 FM et c'est le dernier lundi du mois et donc c'est l'heure de joie, rage et courage. C'est toujours dur de faire une mission un lendemain d'élection et du coup et ben l'idée de cette petite heure qu'on va passer ensemble, ce sera de passer du son qui fout la pêche et puis histoire de ne ben, de pas en rester là et de ne pas en rester à ces temps sombres électoraux. C'est pour ça que ça tombait bien que juste avant l'émission, il y a un petit générique de la soirée du 29 au clavier. Et en attendant, eh ben on va commencer par le fameux couloir électoral. Absolument qu'on s'enfonce en ne faisant que ça et en ne faisant rien d'autre. On sait à peu près tous que ce couloir ressemble fortement à une impasse et on a bien l'intention de trouver des portes de sortie. Il va falloir qu'on trouve les portes sur les côtés pour qu'on arrive à créer autre chose, qu'on réoccupe les rues, qu'on réoccupe les places et qu'on recommence enfin à parler de politique, de vraie politique. We'll be right back. Les urnes, laissons ça aux morts, à nous les vivants de reprendre la rue. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merle moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Chanteront le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Toi le criminel, ô peuple, puisque c'est toi le souverain. Tu es, il est vrai, le criminel inconscient et naïf. Tu votes et tu ne vois pas que tu es ta propre victime. Pourtant n'as-tu pas encore assez expérimenté que les députés qui promettent de te défendre, comme tous les gouvernements du monde présent et passé, sont des menteurs et des impuissants. Tu le sais et tu t'en plains. Tu le sais et tu les nommes. Les gouvernements, quels qu'ils soient, ont travaillé, travaillent et travailleront pour leur intérêt, pour ceux de leur caste et de leur coterie. Où en a-t-il été et comment pourrait-il en être autrement? Les gouvernés sont des subalternes et des exploités. En connais-tu qui ne le soit pas? Tant que tu n'as pas compris que c'est à toi seul qu'il appartient de produire et de vivre à ta guise, tant que tu ne supporteras pas par crainte et que tu fabriqueras toi-même par croyance à l'autorité nécessaire des chefs et des directeurs, sache-le bien aussi. Tes délégués et tes maîtres vivront de ton labeur et de ta niaiserie. Tu te plains de tout, mais n'est-ce pas toi l'auteur des mille plaies qui te dévorent? Tu te plains de la police, de l'armée, de la justice, des casernes, des prisons, des administrations, des lois, des ministres, du gouvernement, des finances, des spéculateurs, des fonctionnaires, des patrons, des prêtres, des proprios, des salaires, des chômages, du parlement, des impôts, des gabelous, des rentiers, de la cherté de vivre, des fermages et des loyers, des longues journées d'atelier et d'usine, de la maigre pitance des privations sans nombre et de la masse infinie des iniquités sociales. Tu te plains, mais tu veux le maintien du système où tu végètes. Tu te révoltes parfois, mais pour recommencer toujours. C'est toi qui produis tout et qui laboure et sème, qui forge et tisse, qui pétrit et transforme, qui construit et fabrique, qui alimente et féconde. Pourquoi donc ne consommes-tu pas à ta faim? Pourquoi es-tu le mal vêtu, le mal nourri, le mal abrité? Oui, pourquoi le sans pain, le sans soulier, le sans demeure? Pourquoi n'es-tu pas ton maître? Pourquoi te courbes-tu, obéis-tu, sers-tu? Pourquoi es-tu l'inférieur, l'humilié, l'offensé, le serviteur, l'esclave? Tu élabores tout et tu ne possèdes rien. Tout est par toi et tu n'es rien. Je me trompe? Tu es l'électeur, le votard, celui qui accepte ce qui est, celui qui, par le bulletin de vote, sanctionne toutes ses misères, celui qui, en votant, consacre toutes ses servitudes. Tu es le volontaire, valet, le domestique aimable, le laquais, le larbin, le chien, léchant le fouet, rampant devant le poigne du maître. Tu es le sergeau, le geôlier, le fou et le mouchard. Tu es le bon soldat, le portier modèle, le locataire bénévole. Tu es l'employé fidèle, le serviteur dévoué, le paysan sobre, l'ouvrier résigné de ton propre esclavage. Tu es toi-même ton bourreau. De quoi te plains-tu? Tu es un danger pour nous, hommes et femmes libres, pour nous anarchistes. Tu es un danger à l'égal des tyrans, des maîtres que tu te donnes, que tu te nommes, que tu soutiens, que tu nourris, que tu protèges de tes baïonnettes, que tu défends de ta force de brute, que tu exaltes de ton ignorance, que tu légalises par tes bulletins de vote et que tu nous imposes par ton imbécilité. C'est bien toi le souverain que l'on flagorne, que l'on dupe. Les discours t'encensent, les affiches te raccrochent. Tu aimes les âneries et les courtisaneries. Sois satisfait en attendant d'être fusillé aux colonies, d'être massacré aux frontières, à l'ombre ensanglantée de ton drapeau. Si des langues intéressées pour lèche ta fiente royale, ô souverain, si des candidats affamés de commandement et bourrés de platitudes brossent l'échine et la croupe de ton autocratie de papier, si tu te grises de l'encens et des promesses qui te déversent ceux que l'on toujours te trahit, te trompe et te vendront demain, c'est que toi-même tu leur ressembles, c'est que tu ne vaux pas mieux que la horde de tes fanéliques adulateurs, c'est que n'ayant pas pu t'élever à la conscience de ton individualité et de ton indépendance, tu es incapable de t'affranchir par toi-même. Tu ne veux donc, tu ne peux pas être libre. Allons, vote bien, aie confiance en tes mandataires, crois en tes élus, mais cesse de te plaindre. Les joues que tu subis, c'est toi-même qui te les imposes. Les crimes dont tu souffres, c'est toi qui les commets. C'est toi le maître, c'est toi le criminel. Et ironie, c'est toi l'esclave, c'est toi la victime. Nous autres, las de l'oppression des maîtres, que tu nous donnes, las de supporter leur arrogance, las de supporter ta passivité, nous venons t'appeler à la réflexion, à l'action. Allons, un bon mouvement, quitte l'habit étroit de la législation. Lave ton corps rudement, afin que crèvent les parasites et la vermine qui te dévore. Alors seulement tu pourras vivre pleinement. Le criminel, c'est l'électeur. Le larbin, le laquais, le chien, le chant, le fouet, le sergent, le chaudier. Tu es l'employé fidèle, le serviteur dévoué, l'ouvrier précisé de ton propre esclavage. Tu es un danger pour les maîtres que tu te donnes, ce que tu nourris protège. Ce texte mis en son et puis lu un peu avant, c'était L'électeur, et c'est un texte de 1905 d'Albert Libertad dans le journal L'Anarchie. Toujours dans le même journal, voici un petit encart qu'on pouvait lire. Le votard demande la lune aux candidats qui s'empressent de la leur promettre. Quand le candidat est élu, il ne peut pas tenir sa promesse. Il ne peut tenir sa promesse qu'en leur montrant son cul. Vive l'anarchie! Et oui, comme à chaque élection, et ben, juste avant et juste après, il y a eu des actions pour, ben, pour dire que notre vie ne demande pas à être dirigée par quiconque, et que donc on compte bien prendre en main nos vies et nos combats. Et du coup, et ben, plusieurs actions tags ont apparu ici ou là sur les élections, et hier et dans plusieurs villes, des manifs étaient prévus, notamment sur Paris. Ces slogans, ni Le Pen, ni Macron, Géraldine Allot était place de la République à la capitale hier soir. Il est minuit, place de la République. Plus de 300 militants de gauche et d'extrême gauche se sont rassemblés pour une nuit, disent-ils, de résistance. L'un d'eux a écrit en lettres noires sur la grande statue « Ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron ». Pour vous, c'est ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron? Bien sûr, parce que Macron, c'est le capital, c'est un fascisme capitaliste. Madame Le Pen, c'est le fascisme le plus dégueulasse qu'on puisse connaître. Macron, Le Pen, même combat. Certains militants d'extrême gauche parlent de révolte à venir, voire d'insurrection. Je pense qu'actuellement en France, il y a un mouvement de révolte, il y a un mouvement d'insurrection qui se propage, et ça c'est bien. Il y en a beaucoup qui feignent de l'ignorer, que c'est pas aux élections qu'on gagne quoi que ce soit quand on est le peuple. La jeunesse en même, le Front National. Et pendant que les slogans fusent, un petit groupe se détache, foulard remonté sur le visage, pour en découdre avec la police. Il y a eu quelques affrontements, 3 manifestants blessés, 6 policiers, 29 personnes en garde à vue. Tout est en vie marquée, au travers de la ville. Cet espace occupé par le spectacle de l'esprit mercantile. Tu rêves d'ouvrir une brèche, au travers de l'écran. T'envoyer une flèche au cœur de ce cercle étouffant. Ta main se crispe sur ton projectile. Tu t'avances et balances ton appel à la vie. Comment la gueule de quelqu'un qui paraît. L'humain qui brûle, c'est un espace libéré. Pour un instant, pour un moment donné. La vie est dans la rue, et la rue est liberté. George Jackson, face à l'écran des drones et des robocops. Éclat glauque dans mon molotov. Ces balles au propre qu'on lave les holocaustes. Ça boum, faut pas t'en faire entre le boom et les Black Panther. J'suis diable avec des référents de ouf d'enfer. Lancez vos dames son, dansez à les filles. De toute façon j'ai même pas peur de filer mes pareilles filles. J'suis bien épilé, éduqué, à l'air et filé. Pour mutiler vos équipiers nazis. Shooter à l'amertume, où est la verdure? Tu n'es pas perdu, où j'ai la perlue? Peu importe où je brûle, je suis pas recyclable. Dans vos poubelles brunes, je suis récupérable. We are at war! We are at war! Je fleuris de la tombe, héritier de la fronde, meurtrier du Japon, érigé de la bombe. Des fleuves de chimie m'irriguent le cœur, les riffs, les gueules, des vigiles qui ne pleurent, ni chris s'entiètent pour leur engaine, on tempère rien. Tempête s'entraîne à se changer en chien. Même si on danse dans l'enfer de Dante, et que nos enfants chantent avec ribou dans le ventre, nos six coups dans le sang ne fregleront pas en bout de pansement. Poison violent dans les cellules, noie ton boniment dans tes pilules. On s'en tape de ce que ton gourou dira. On vient venger Fukushima. Ce que ton gourou dira, on s'en bat. On est irrécupérable. Ce que ton gourou dira, on s'en bat. On est irrécupérable. J'aime le mascara, pas les masques. Sauf dans la poésie noire de Laurence Dunbar. Je mange pour accompagner piment. Je danse pour accompagner ciment. Et je lance outrage combatif criant. Car j'aime le mascara, pas les masques. Filant la foutue révolte, témoin de toute une époque. Les miens futurs écoquent, rien de futur le choc. On vient shooter la chorale. Et les clowns qui draguent à l'insoral. On n'est pas né du dernier camp. Scouter nos chances, on dessine pas de grande route. On bifurque le feu sous nos crânes. Ce qu'on diffuse est irrécupérable. Le feu sous nos crânes est irrécupérable. Le feu sous nos crânes est irrécupérable. Le feu sous nos crânes. Oui, oh. Kémy Argola sur le 89.5 FM de Radio Dio et sur l'émission mensuelle Joie, Rage et Courage. Un Joie, Rage et Courage un peu spécial, car un Joie, Rage et Courage entre deux tours d'élection, c'est toujours des moments particuliers. Durant cette petite heure, ce sera une toute petite heure, et ben on va passer que des morceaux qui foutent la pêche et lire des textes qui sont censés donner la pêche. Et tout à l'heure, on a lu un petit texte de Libertad, et en voici un autre. Résigné. Résigné, regardez, je crache sur vos idoles, je crache sur Dieu, je crache sur la patrie, je crache sur le Christ, je crache sur le drapeau, je crache sur le capital et sur le veau d'or, je crache sur les lois et sur les codes, sur les symboles et les religions. Ce sont des hochets, je m'en moque, je m'en ris. Ils ne sont rien que par vous, quittez-les et ils se brisent en miettes. Vous êtes donc une force, ô résigné, de ces forces qui s'ignorent mais qui n'en sont pas moins des forces. Je ne peux pas cracher sur vous, je ne peux que vous haïr ou vous aimer. Par-dessus tous mes désirs, j'ai celui de vous voir secouer votre résignation dans un réveil terrible de vie. Il n'y a pas de futur paradis, de paradis futur. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a que le présent. Vivons-nous, vivons. La résignation, c'est la mort. La révolte, c'est la vie. Voilà, c'était un texte de Albert Libertad, toujours tiré du journal L'Anarchie et compilé dans un bouquin Et que crève le vieux monde, paru chez Mutine Sédition. Voilà, et ben maintenant on va passer un petit morceau de Chicken Skull, le groupe grenoblois. On mettra tous les noms des groupes et toute la playlist sur le site Joie, Rage et Courage. En tout cas, allez, c'est parti pour Chicken Skull. Génération désabusée, une chanson sur les déçus du socialisme. Thank you. Il n'y a que de la répression. On s'est dit, il faut vraiment qu'on torde le cou à ça. Qu'on torde le cou à ça, et ça veut dire, un, effectivement, dire on n'est pas, ne soyons pas primaires, ni chier à patron, ni chier à matraque, et surtout en 2017, on contre-attaque. Parce que le couloir dont parlait Loïc, il ne faut pas se raconter de salade. Le couloir électoral, il pèse sur tout le monde, y compris des gens très proches qui se disent, bon, peut-être qu'il faudra voter pour un moindre mal. Pour ceux qui nous disent que 1 300 € net par mois, c'est possible. Et c'est bien. Parce qu'on pourrait faire la liste, la litanie des prisons fermes pour les frères Traoré. 8 mois. C'est hallucinant. C'est de la folie. Adil, notre camarade de Sudpost 92, qui s'est fait gazer dans ces manifestations, qui étaient des manifestations d'Amster le 23 juin. Accepté par toutes les directions syndicales, où on se faisait contrôler et fouiller, et parce qu'un de nos collègues avait des lunettes de plongée et qu'on attendait, et que la police a trouvé qu'on reculait pas assez vite, ils ont gazé, c'est filmé. Le procureur requiert 6 mois de prison avec sursis et 300 € d'amende. Où on va ? On pourrait faire la liste, mais il y a une autre liste, parce qu'il y a effectivement une politisation. On voit bien qu'autour de nous, on discute vachement plus d'idées. Mais il y a des bagarres, il y a des luttes. Si on fait la somme de ces luttes depuis novembre, décembre, le 8 décembre, on va prendre dans l'autre sens, il y avait les postiers. Le 15 novembre, il y avait les finances publiques. Le 8 novembre, il y avait la santé. Et si on faisait les listes simplement des collectivités territoriales, dans le Gard, dans le Vaucluse, les pompiers, il y a plein de luttes. Moi, je me demande souvent, mais comment c'est possible qu'encore il y ait des travailleurs et des travailleuses qui se mettent à bagarrer et à lutter, alors que les directions syndicales n'ont rien proposé après le 15 septembre. Toutes n'ont rien proposé après le 15 septembre. Ce qui devrait nous sembler étonnant, c'est qu'il y a encore des gens qui sont en train de se bagarrer, de lutter. Et effectivement, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on prenne nos responsabilités parce que ce n'est pas simplement se tenir chaud aujourd'hui. C'est prendre date. On sait que ce monde, il est dégueulasse. On sait que leur État, leur police, leur justice, leur guerre, elles sont toujours tournées contre notre camp. La question, c'est de savoir comment on réagit à ça, comment on contre-attaque. Et il y a plein de dates qu'on nous prévoit encore en janvier, qui seront encore plus dispersées, plus atomisées. Mais il y a un moment donné où il va bien falloir qu'on regroupe, qu'on se rencontre. C'est qu'en fait, il y a toute une série de travailleurs, de syndicalistes, de travailleurs dans les quartiers, dans les mouvements, qui ont des points de vue différents sur toute une série de choses, mais qui se regroupent sur une question centrale. C'est que ce monde capitaliste, ils n'en veulent pas. C'est que justement, aujourd'hui, pour le changer, ce monde, on n'a pas de raccourci. On n'a qu'une seule arme, c'est celle de la grève. Elle peut nous plaire ou pas, cette arme-là. Elle est compliquée. Il faut qu'elle soit majoritaire. Il faut qu'elle s'allie à d'autres luttes. Et c'est pour ça qu'on insistait de façon importante sur la présence d'Assa Traoré ce soir. Mais il faut faire ces jonctions-là et ne pas retomber dans nos luttes partielles, dans nos luttes atomisées. Il faut qu'il y ait enfin une rencontre ouvrière qui fasse la convergence des luttes, qui se batte pour la convergence des luttes et qui organise la contre-attaque. Prenons nos responsabilités, allions le geste à la parole comme on le fait souvent dans nos départements ou dans nos quartiers, mais à un moment donné, que ça plaise ou pas aux appareils ou aux directions syndicales et politiques, il faudra bien refuser ce monde par le seul outil qui est le nôtre, celui de la grève, celui de la grève générale et de la convergence de l'ensemble des militants qui se battent contre ce monde capitaliste. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères.

joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voix de l'autre. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà. Et voilà, joie, rage et courage d'avril se terminent ainsi. Donc, vous l'avez vu, une émission. Écoutez plutôt une émission, surtout playlist, qui est censée redonner la pêche et donner un coup de pied au cul à la résignation. Donc, j'espère que le message est passé. Les urnes, c'est pour les morts. La rue, c'est pour les vivants. Et très rapidement, on va pouvoir mettre ça en pratique, car on a reçu un petit message. Tout à l'heure, à 18h ce lundi, place Jean Jaurès, il y a un petit rassemblement avec comme mot d'ordre ni patron, ni nation, ni Le Pen, ni Macron. Voilà, et ben la riposte s'organise et de toute façon on sera et on est toujours dans la rue. Donc vous pourrez trouver les différents morceaux de cette playlist et les différentes sources. Sur le site de l'émission joie, rage et courage.noblogs.org, vous y retrouverez aussi également les autres émissions à télécharger. Et puis si vous voulez nous envoyer vos commentaires, vos insultes et vos remarques, on a une adresse mail clapclap@riseup.net. clapclap, clap @riseup.net. Voilà, donc rendez-vous dans la rue très bientôt, et puis en attendant, ne soyez pas trop sages.